à toutes et à tous et bienvenue dans ce MAC sur Radioactive. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, on va parler de deux événements qui auront lieu ce samedi 13 avril à Amboise, un café de l'emploi ou job dating et une course de garçons de café. Une initiative combinée originale visant pour la deuxième année consécutive à réunir des talents et les opportunités dans un contexte original. Une idée et un pilotage du collectif d'employeurs Amboise Recrute. Je vous propose d'ailleurs tout de suite d'écouter Cécile Cariou, coordinatrice de ce collectif, nous en expliquer le fonctionnement. Je suis Cécile Cariou, la directrice du Château de Près, et je fais partie donc du club hôtelier du Val d'Amboise et d'Amboise Recrute. Voilà, vous êtes coordinatrice d'Amboise Recrute. Oui, c'est ça, ouais, on va dire ça. Ouais. D'accord. Vous pouvez nous expliquer un petit peu, globalement, en quelques mots, qu'est-ce que c'est qu'Amboise Recrute ? Alors, Amboise Recrute, c'est un collectif d'entreprises qui est là pour redonner de l'attractivité en fait, à nos métiers du tourisme, mais pas que, puisque l'idée, c'est de travailler vraiment sur le Val d'Amboise et son attractivité pour faire venir en fait, les jeunes candidats dans notre zone. L'idée, c'est travailler cette attractivité via des événements festifs une fois par an, comme la course de garçons de café. Mais c'est également animer tout le collectif sur les réseaux sociaux, via nos pages Facebook, Instagram et via notre site internet sur lequel en fait, on retrouve les offres d'emploi du Val d'Amboise. Le collectif d'entreprises Amboise Recrute, qui organise pour la deuxième année un job dating auquel vous pourrez vous rendre ce samedi 13 avril de 9h30 à midi, salle Francis Poulenc, et que vous soyez étudiant, saisonnier, professionnel du secteur, vous pourrez donc peut-être y rencontrer votre futur employeur dans un cadre décontracté, pas d'inscription nécessaire. Le matching se fera sur place avec vos CV en poche. Tous les secteurs seront concernés, restauration, hôtellerie, commerce, tourisme, métiers de la vigne et du vin. Un véritable parcours de l'emploi vous attendra, ponctué d'ateliers, pôle métier et pôle d'accompagnement, formation, logement. Tout y sera donc bien expliqué. Et puis pour les plus téméraires, vous pourrez ce même samedi 13 avril à 15h30 au square des AFN vous inscrire dans un défi réunissant agilité, rapidité et bonne humeur avec la course des garçons de café. L'idée, vous l'aurez compris, effectuer un parcours ponctué de relais et d'animations au cœur des commerces et des restaurants d'Amboise. Le but étant de franchir la ligne d'arrivée le plus vite possible en renversant le moins d'eau. La participation est gratuite, ouverte à tous, professionnels comme amateurs, et de nombreux lots seront à gagner. Cette manifestation lancera la saison estivale à Amboise et mettra en avant les saisonniers du monde de la restauration et de l'hôtellerie. Les inscriptions sont à faire sur le site amboiserecrute.com, site sur lequel vous retrouverez d'ailleurs des offres d'emploi à pourvoir localement. Notez enfin quelques aménagements de circulation qui seront nécessaires à l'occasion de cette animation. Du vendredi 12 avril à 20h au samedi 13 avril à 20h, le stationnement sera interdit sur le parking du square des AFN, ainsi que sur 5 places de stationnement situées devant l'espace Henri d'Orléans. Et puis samedi 13 avril de 14h30 à 20h, la circulation sera interdite rue François 1er. C'est la fin de ce mag, je vous donne rendez-vous demain à 18h avec Clara Fillon, coordinatrice à la MJC Charles Péguy d'Amboise, qui nous présentera les prochains rendez-vous à ne pas manquer, et notamment à l'occasion des 60 ans de l'association. Bonne écoute de la suite des programmes sur Radioactive.